clair de mon sein, dans le grand berceau de terre, et jusqu'au petit matin, là où tu voudras, là où tu Là où tu voudras, là où tu voudras.